إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نكونتينيون par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours intitulée « Pour un Ramadan réussi ». Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Uhilla lakum laylata assiyami rafathu ila nisaikum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله عز وجل dit dans le sens des versets, de ce verset 187 de sourate al-Baqarah: Il vous est permis d'avoir des rapports charnels avec vos épouses lors des nuits du mois de jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous vous dupiez vous-même en transgressant son interdiction. Mais Allah a accepté votre repentir et vous a pardonné. Désormais, vous pourrez jouir d'elles et rechercher ce qu'Allah vous a destiné, c'est-à-dire comme descendance, manger et buvez jusqu'à ce que vous puissiez clairement distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Dans ce noble verset de Sourate al-Baqarah, le verset 187, Allah subhanahu wa ta'ala définit le début du jeûne, du jour du jeûne, ainsi que sa fin. Par des limites claires que chacun peut connaître, Allah subhanahu wa ta'ala a défini le début de la journée du jeûne par l'apparition de l'aube véridique. Al-Fajru al-Sadiq ou Al-Fajru al-Thani. Et Allah Azzawajal a défini la fin du jour de jeûne au coucher du soleil. Et ici j'ouvre une petite parenthèse concernant l'apparition de l'aube véridique. Car il y a deux types d'aube. Al-Fajru al-Kadhib وَالْفَجْرُ الصَّادِقُ. L'aube mensongère, si on pourrait traduire textuellement, ou l'aube trompeuse, et l'aube véridique. L'aube trompeuse intervient avant l'aube véridique. Et cette aube trompeuse, il est difficile de la voir lorsque l'on se trouve dans un endroit où il y a une pollution lumineuse. Vous savez que la pollution lumineuse est un phénomène qui s'expand et s'étend à la surface de la Terre. Et c'est parfois un problème, cette pollution lumineuse. Al-Fajru al-Kadhib, et cette aube trompeuse, se reconnaît par ses traits verticaux et cette lueur verticale disparaît. Elle disparaît. Contrairement à l'aube véridique, Al-Fajru al-Sadiq. Cette aube véridique, sa lueur est horizontale. Elle est horizontale au niveau de l'horizon est. Et cette lueur horizontale n'est pas suivie de ténèbres. La lueur va continuer à augmenter jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est ainsi que l'on différencie entre Al-Fajru al-Kadhib, l'aube trompeuse, et l'aube véridique. La journée du jeûne commence à l'apparition de l'aube véridique et non de l'aube mensongère ou trompeuse. Et c'est un sujet assez sensible, surtout pour ceux qui vivent en Europe, en France, dans les pays d'Europe, où les horaires de prière ne sont pas définis de façon précise, si je peux me permettre. il y a différents calendriers et des fois l'on constate une différence de 30 minutes voire plus entre deux calendriers, notamment pour les horaires de la prière du Fajr et pour les horaires de la prière du Isha. Et ces paroles n'engagent que moi, de par mon expérience, de par mes observations que j'ai pu faire, que ce soit pour la prière du Isha ou pour la prière du Fajr en France. À chaque fois, lorsque j'ai constaté l'apparition de l'aube, Allah Azza wa Jalla m'a permis de trouver un endroit en France, dans le centre de la France, où la pollution lumineuse est moindre. Ce n'est pas le noir complet, mais en tout cas, c'était un endroit où il n'y avait pas de ville environnante à plusieurs kilomètres. Et en constatant l'apparition de l'aube, il y a 2 ans à peu près, l'heure du Isha, on pouvait constater l'heure du Isha et l'apparition et l'heure du Fajr, dans la même nuit vu que les nuits étaient courtes. Que ce soit l'heure du Isha ou l'heure du Fajr, d'après mes constatations, et comme je le dis, cela n'engage que moi, les horaires, les calendriers qui correspondaient le mieux à ces horaires constatés visuellement, c'était le degré 15. Dans les calendriers en France, vous avez le calendrier sur les 12 degrés, 15 degrés, 18 degrés. Ensuite, pour expliquer le degré, à quoi cela correspond, etc., ça va prendre du temps. Mais en tout cas, au niveau des degrés, ce sont ces 3 degrés qui ressortent dans les calendriers, en tout cas en France. Quant aux 12 degrés, de façon certaine, l'heure du Fajr qui est indiquée, ce n'est pas le début de l'heure. Je pèse mes mots. L'heure du Fajr commence de l'apparition de l'aube véridique jusqu'au lever du soleil. Tout ce laps de temps est considéré comme l'heure de la prière du Fajr. Le sujet sur lequel je parle, c'est le début de l'heure. Le début de l'heure du Fajr. Et cela est important pour le jeûneur, car le jeûneur doit commencer son jeûne dès l'apparition de l'aube véridique. Quant aux 12 degrés, de façon certaine, ce n'est pas le début de l'heure du Fajr. Si l'on prend les calendriers du 12 degrés, l'heure du Fajr, l'aube véridique est apparue bien avant. Et comme je l'ai dit, d'après mes constatations, c'est les horaires qui se basent sur le degré 15, qui se rapproche le mieux et le plus de la réalité du terrain. Donc ces observations ont été faites à plusieurs reprises, que ce soit pour l'heure du Fajr ou que ce soit pour l'heure du Isha, wallahu a'lam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a défini le début du jeûne et du jour du jeûne et la fin du jour du jeûne. Le début par l'apparition de l'aube véridique et la fin par le coucher du soleil. Et ceci peut être constaté par n'importe qui. Et cela nous montre la facilité de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal qui dit « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » Il ne vous impose pas la moindre gêne dans la religion. Et ceci est un allègement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un allègement lorsque l'on compare le jeûne ou la situation du jeûne au début de l'islam. La durée de jeûne était beaucoup plus longue. En effet, Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit au sujet des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, que lorsqu'un homme jeûnait et que, au moment de la rupture du jeûne, il s'endormait avant d'avoir rompu le jeûne, il restait sans manger cette nuit-là, puis le jour suivant, et il devait attendre le soir du jour suivant pour pouvoir manger à nouveau. Ainsi, au début de l'islam, ceux qui dormaient avant de rompre leur jeûne, ils devaient attendre le soir suivant pour pouvoir rompre leur jeûne. Et dans une version, Qais ibn Sirma, radiyallahu anhu, al-Ansari, était en état de jeûne. Et ceci est toujours apporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Ce compagnon, Qais ibn Sirma, radiyallahu anhu, était en état de jeûne. Et dans une version, il travaillait dans une palmeraie de jour. en état de jeûne. Au moment de la rupture du jeûne, il demanda à sa femme, « As-tu quelque chose à manger ?» Elle répondit, « Non, mais je vais aller en demander pour toi. » Et comme il travaillait le jour, ses yeux se fermèrent malgré lui et s'endormit. Quand sa femme est revenue, elle le vit endormi et lui dit, « Tu as été privé. Khaybatan lak animt. Tu as été privé. As-tu dormi ?» Le lendemain, à la mi-journée, ce compagnon, Qais ibn Sirma radiallahu anhu, s'évanouit. L'on rapporta le fait au prophète alayhi salatu wassalam, et c'est alors que fut révélée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Uhilla lakum laylat al-siyam ar-rafathu ila nisaikum. » Il vous est permis d'avoir des rapports charnels avec vos épouses lors des nuits du mois de jeûne. Et les compagnons, radiyallahu anhum, furent extrêmement joyeux de cette nouvelle. Puis Allah subhanahu wa ta'ala révéla sa parole. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez clairement distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. C'est la raison pour laquelle ce verset 187 de Surat al-Baqarah a été révélé. Et Al-Bukhari, radiyallahu an, rapporte également, d'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu an, que lorsque le jeûne du Ramadan a été prescrit au début de l'islam, les musulmans n'avaient pas le droit d'approcher leurs femmes, ni de boire, ni de manger, s'ils avaient prié Al-Isha ou s'ils avaient dormi. Et certains, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sait que vous vous dupiez vous-même. Alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Vous vous dupiez vous-même, c'est-à-dire en transgressant cette interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains approchaient leur femme ou buvaient et mangeaient après avoir pris l'Isha ou en ayant dormi avant. Et nul doute que celui qui transgresse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait du tort à soi-même et il ne fait en aucun cas tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a révélé ensuite « Alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum » Allah sait que vous vous dupiez vous-même en transgressant son interdiction, mais Allah a accepté votre repentir et vous a pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala a alors abrogé cette interdiction et a permis d'approcher les femmes, de boire et de manger, et ceci du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'aube véridique. Allah azza wa jalla dit ensuite « Thumma atimmu as-siyam ila al-layl » puis observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Jusqu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil se couche. Et lorsque l'on dit le soleil se couche, c'est-à-dire jusqu'à ce que le disque solaire disparaisse à l'horizon. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْهَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَأَدْبَرَ مِنْهَا هُنَا وَغَرُبَتِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمِ. Lorsque la nuit commence à venir de ce côté, du côté ouest, et lorsque le jour s'en va de l'autre côté, lorsque la nuit arrive de ce côté, c'est-à-dire le côté est, pardon, et lorsque la nuit et lorsque le jour s'en va de ce côté, c'est-à-dire le côté ouest, et que le soleil se soit couché, alors le jeûneur peut rompre. Alors le jeûneur peut rompre son jeûne. Après avoir détaillé le moment à partir duquel la journée du jeûneur commence et lorsque la journée du jeûneur se termine, il est important de connaître également et d'apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait le jour, son jour de jeûne et comment il le rompait, alayhi salatu wassalam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une relation particulière avec la nourriture pendant le mois de Ramadan, que ce soit au moment du sahur ou bien au moment de la rupture. Et nul doute que la meilleure des voies est la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Quant au sahur, c'est le repas que prend le musulman à la fin de la nuit avant de débuter son jeûne. Et le prophète alayhi salatu wa sallam donnait une importance particulière à ce repas. Et il encourageait alayhi salatu wa sallam à le prendre et lui donnait des qualificatifs élogieux, comme le rapporte l'imam Ahmed et l'imam al-Nasa'i dans un hadith authentique dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: عليكم بغذاء السحور فإنه هو الغذاء المبارك فإنه هو الغذاء المبارك. Prenez le repas du sahour, car c'est un repas béni. Il dit aussi عليه الصلاة والسلام dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: السحور كله بركة. Le sahour est entièrement une bénédiction. Et il dit aussi alayhi salatu wassalam: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. Il dit alayhi salatu wassalam: le sahour est entièrement bénédiction, ne le délaissez pas, même si ce n'est qu'une gorgée d'eau, car Allah et ses anges font les éloges de ceux qui prennent le sahour. Nous devons donc saisir cette occasion chaque fin de nuit de Ramadan afin de bénéficier de cette bénédiction. Et ce moment dans lequel le musulman prend son sahour, c'est également le moment dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs à lui demander le pardon, à l'invoquer, tout en leur promettant, subhanahu wa ta'ala, d'exaucer leurs demandes. Ce repas est une bénédiction, car le jeûneur, ou le musulman qui s'apprête à jeûner, met en application les recommandations d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et nul doute que l'obéissance à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, est une bénédiction. Al-Sahour est également une bénédiction car le musulman se nourrit et prend des forces afin de pouvoir jeûner correctement et avoir assez de provisions pour accomplir ses adorations dans les meilleures conditions. Concernant le Sahour également, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam consiste à retarder ce repas le plus possible. Il dit عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne et de retarder le sahour. Et retarder le sahour ne veut pas dire également dépasser la limite. Pour ceux qui sont dans des pays musulmans et qui entendent l'adhan, c'est au début de l'adhan qu'il faut arrêter et non pas à la fin de l'adhan. Car l'appel à la prière, c'est un appel qui a pour but d'annoncer l'entrée de l'heure. Et lorsque l'on annonce que l'heure du fajr est entrée, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter de manger. Le jeûneur doit donc rechercher tout ce bien, d'autant plus durant ce mois béni de Ramadan. Nous devons profiter de ce moment également, le dernier tiers de la nuit, pour demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer. Parmi les particularités du mois de Ramadan, il y a aussi la rupture du jeûne. Après s'être assuré du coucher du soleil, ce qu'on appelle l'iftar, et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam consiste à s'empresser de rompre le jeûne, comme nous l'avons vu dans le hadith précédent. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam consiste également à rompre son jeûne avec des dattes fraîches, car elles sont plus juteuses et plus sucrées, et donc plus bénéfiques. Si cela n'est pas possible, alors avec des dattes sèches, sinon avec de l'eau. La preuve est le hadith de Anas, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel Anas, radiyallahu anhu, nous informe en disant « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuftiru ala ratabatin qabla an yusalli, fa in lam takun ratabat fa tamr, fa in lam takun tamarat hasa hasawatin mimma. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dattes fraîches avant d'accomplir sa prière, avant d'accomplir la prière du Maghrib. Et s'il n'avait pas de dattes fraîches, alors des dattes sèches. Et s'il n'avait pas de dattes sèches, alors il buvait des gorgées d'eau. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et tous ces bienfaits nous imposent de réfléchir afin d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Être reconnaissant en renouvelant sans cesse notre sincérité dans notre adoration du jeûne de façon particulière, mais aussi dans l'ensemble de nos adorations. Car la sincérité a besoin d'être sans cesse renouvelée. Ceci doit nous amener à faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout généreux, de l'invoquer afin que ces bienfaits dont nous jouissons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala perdurent et se garder de commettre toute forme de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela doit également nous amener à redoubler d'efforts dans la source de nos revenus et dans la destination de nos dépenses. Que tout cela soit licite, car c'est une énorme responsabilité et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être bons et de consommer les bonnes choses issues de revenus licites. Il dit alayhi salatu wassalam, إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Il dit عليه الصلاة والسلام, Allah est bon et n'accepte que le bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux prophètes et envoyés. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens, ô vous qui croyez, mangez des nourritures, ô messagers, mangez de ce qui est licite et bon, et accomplissez des œuvres pieuses, car je sais parfaitement ce que vous faites. Et il dit, subhanahu, dans le sens des versets, ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et soyez reconnaissants envers Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un homme qui, après un long voyage, étant recouvert de poussière, les cheveux ébouriffés, il lève ses mains aux cieux et dit « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, il se nourrit d'illicite, comment peut-il voir son invocation exaucée ? » Le musulman doit donc prendre garde de ne pas consommer une nourriture illicite ou une boisson illicite, car cet interdit, même minime, peut être un rempart entre toi et l'exaucement de tes invocations. Et lorsque le musulman prend ses repas du sahur ou du iftar, au milieu des siens, dans la joie, la bonne humeur et la convivialité, et qu'il consomme ses plats délicieux et ses boissons exquises, il doit tout d'abord être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également penser à ses frères et sœurs musulmans dans le monde, qui, eux, ne trouvent pas ne serait-ce qu'une date pour rompre leur jeûne, qui ne trouvent pas ne serait-ce qu'un morceau de pain pour nourrir leurs enfants et leur famille. Ils ne trouvent pas ne serait-ce qu'un verre de lait pour rassasier leurs nourrissons. Que notre jeûne et notre rupture nous fassent rappeler et nous fassent penser à ceux qui sont nos frères et sœurs en islam, dans le monde entier. Et je pense notamment à nos frères et sœurs au Yémen, qui connaissent l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. Et je pense notamment à cet enfant, Abdurrahman, âgé de 5 ans et qui ne pèse que 5 kilos. De penser à tous ces nécessiteux afin de leur apporter notre aide, de leur apporter notre soutien dès que possible et autant que possible. Et la récompense sera immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans son noble livre « وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ » Et tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Allah connaît parfaitement vos agissements. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يستجيب دعاءنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين